rencontrer sur le chemin de notre vie. J'avais perdu le temps de vivre, vous arrivez à temps pour me laisser le temps d'aimer, vivre avec vous. Je suis bien tout près de toi. De mon âme, tu marches vite sans te presser, tu gagnes ta vie à te laisser vivre pour me donner la joie, l'éternité pour m'approcher de ton amour. Ça fait longtemps. Merci. Ça fait longtemps que j'ai chanté cette chanson, surtout que c'est Yvan Ouellet qui l'a composée dans les années 70, hein, Yvan?